Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 64. De l'homicide. Des êtres qu'il est permis de mettre à mort, à qui il appartient de tuer les malfaiteurs. Du suicide, il n'est permis, dans aucun cas, de tuer un innocent. De la légitime défense. Est-on homicide quand on tue un homme par accident? 1. Est-il défendu de tuer tout être vivant? Ces paroles, « Vous ne tuerez point », dit saint Augustin, ne doivent être étendues ni aux végétaux ni aux animaux qui ne nous sont pas associés par la raison, elles s'appliquent uniquement à l'homme. Nul ne pèche en faisant servir les créatures à la fin pour laquelle Dieu les a créées. En portant nos regards sur la nature, nous voyons que les êtres moins parfaits existent pour les êtres plus parfaits, les plantes pour les animaux pour l'homme. On en infère à bon droit qu'il est licite de détruire les plantes pour l'usage des animaux, et les animaux pour l'usage de l'homme. La permission de Dieu est d'ailleurs formelle à cet égard. Il est écrit dans la Genèse, voilà que je vous ai donné toutes les plantes et tous les arbres fruitiers pour servir à votre nourriture ainsi qu'à celle de tous les animaux de la terre. Genèse 1, 29. Tout ce qui se meut et tout ce qui vit pourra vous servir de nourriture. Genèse 9, 3. 2. Est-il permis de mettre à mort les malfaiteurs? Il est écrit, vous ne laisserez pas vivre les malfaiteurs. Exode 22, 18. Quand l'amputation d'un membre gangrené devient nécessaire pour le salut du corps, le médecin n'hésite pas à la pratiquer. Pareillement, lorsque les hommes, qui sont dans la société les parties d'un tout et les membres d'un corps entier, deviennent dangereux pour la société elle-même, c'est une mesure louable et salutaire que de les frapper de mort. On pourvoit par là à la conservation du bien commun, car, ainsi que s'exprime l'apôtre, il suffit d'un léger ferment pour corrompre toute la masse. 1 Corinthiens 5, 6. Note. Le Seigneur défendit, il est vrai, d'arracher l'ivraie, mais dans quel but? Pour ménager le froment. Or nous supposons que la mort des malfaiteurs s'opérera sans que les gens de bien n'en reçoivent aucune atteinte, et que, loin d'être un danger pour eux, elle sera leur sauvegarde. Dieu, qui a dit par son prophète, « Est-ce que je veux la mort du pécheur? Je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Ézéchiel 18, 23, frappe cependant certains coupables, afin de délivrer les bons, tandis qu'il laisse à d'autres le temps de faire pénitence. La justice humaine imite en ce point la sagesse divine, elle condamne à mort les méchants dont les crimes sont funestes à la société, et elle donne aux autres le temps de revenir à la vertu. Tuer un homme, dira quelqu'un, est une chose mauvaise de soi. Nous convenons que tuer un homme qui se maintient dans sa dignité d'homme, est une chose mauvaise de soi, mais tuer celui qui s'est mis, par ses crimes, au rang des animaux privés de raison et qui est devenu pire qu'une bête féroce, c'est un bien. On en dispose alors pour l'utilité des autres, selon cette parole, l'insensé servira au sage. Proverbe 11, 29. 3. Est-il permis à une personne privée de tuer un malfaiteur? Tuer un malfaiteur n'étant une mesure licite que tant qu'elle se rapporte au salut de la société, ce droit n'appartient qu'au chef chargé du soin général de la communauté, comme il n'appartient qu'au médecin qui ait confié le salut du corps entier de retrancher un membre gangréné. En conséquence, les princes investis de l'autorité publique peuvent seuls frapper de mort les malfaiteurs. Les particuliers n'ont pas ce pouvoir. Note. Moïse, direz-vous, prescrivit aux Israélites, à l'occasion de l'adoration du veau d'or, de tuer leurs amis et leurs proches. Deutéronome 32, 27. Saint Augustin répond, celui qui exécute l'ordre d'un chef auquel il doit l'obéissance n'est pas moralement homicide, il est comme le glaive entre les mains de celui qui s'en sert. Les Israélites agissaient d'après l'autorité de Dieu, ainsi le soldat frappe l'ennemi par l'autorité du prince, ainsi le bourreau exécute un criminel par l'autorité du juge. Il est permis au simple particulier de faire, pour le bien commun, une action qui ne nuit à personne, mais, lorsqu'il s'agit de causer un dommage, il est nécessaire que l'autorité compétente décide ce qu'il convient d'enlever à la partie pour le salut du tout, ou prononce par un jugement public que le bien de la communauté exige la mort même du malfaiteur. Fin de la note. 4. Est-il permis aux clercs de tuer les malfaiteurs? Les clercs, choisis pour le ministère des autels où ils représentent la passion et la mort du Christ, qui étaient frappés, mais qui ne frappaient pas, comme s'exprime le prince des apôtres. 1 Pierre 2, 23, sont obligés de marcher sur les traces de leur maître. Tel est le juge du peuple, tels doivent être ses ministres. Ecclésiastique 10, 2. De plus, ils sont investis du ministère de la loi nouvelle, qui ne prescrit pour châtiment ni la mort ni la mutilation. Pour ces deux motifs, ils doivent s'abstenir de donner la mort. 5. Est-il permis de se tuer soi-même? Il est écrit, tu ne tueras point, ni un autre, ni toi-même, reprend saint Augustin, car celui qui se tue est le meurtrier d'un homme. Trois raisons principales démontrent que le suicide est une action absolument illicite. Premièrement, tout être s'aime naturellement lui-même et repousse celui qui veut lui ravir l'existence. Se suicider, c'est agir contre cette loi de la nature, c'est-à-dire contre l'amour naturel que chaque être se porte. En second lieu, l'homme, appartenant à la société comme la partie appartient au tout, se rend coupable d'injustice envers ses semblables en se donnant la mort. Troisièmement, la vie est un prêt qui reste soumis au pouvoir du souverain arbitre de l'existence des créatures. Celui qui se la ravit pèche contre Dieu, tout comme le meurtrier d'un serviteur pèche contre le maître même de ce serviteur. Dieu seul a le droit de prononcer sur la vie et sur la mort des hommes, selon cette parole, « Je ferai mourir et je vivifierai ». Deutéronome 32, 39. Note. On a dit que l'homme, en se suicidant, se soustrait quelquefois à un mal plus grand que la mort. C'est une erreur, la dernière et la plus terrible misère de cette vie, c'est la mort elle-même. Se suicider pour échapper aux maux de la vie, c'est évidemment tomber dans un mal plus grand, pour échapper à un mal moindre. La honte du péché commis et la crainte du déshonneur sont loin d'autoriser un pareil acte. En se tuant soi-même pour un péché qu'on a commis, on se prive du temps nécessaire à la pénitence. En se tuant pour éviter le déshonneur, on commet sur soi un crime plus grand que ne serait la fornication ou l'adultère, qui ne sont pas même des crimes pour une femme à laquelle on fait violence, pourvu qu'elle refuse son consentement. Le corps n'est souillé que du consentement de l'âme, comme s'exprimait la courageuse Lucie. Se suicider dans la crainte de consentir au péché, c'est faire un mal pour en éviter un autre qui est moins certain, puisque, dans une tentation quelconque, la grâce divine peut nous préserver du péché. Samson, s'ensevelissant avec les Philistins sous les ruines d'un temple, ne saurait être regardé comme exempt de faute, à moins que l'on ne suppose qu'il fût poussé à cette action par une inspiration secrète de l'Esprit-Saint, qui lui faisait opérer tant de merveilles. Saint Augustin excuse ainsi plusieurs saints qui, dans les temps de persécution, se sont donné la mort. Ajoutons qu'il ne faut pas croire, comme Razias, dont il est parlé dans le second livre des Maccabées, que le suicide soit une action noble et courageuse. Il est plutôt une véritable faiblesse de l'âme, qui se laisse abattre par la vue des maux à souffrir. Fin de la note. 6. Est-il quelquefois permis de tuer un innocent? Il n'est licite, dans aucun cas, de tuer un innocent. La défense en est consignée dans l'Écriture, « Vous ne tuerez pas l'homme innocent et juste. » Exode 23, 7. À considérer l'homme en lui-même, il n'est jamais permis de le tuer, car, dans tout homme, sans excepter le pécheur, nous devons aimer la nature humaine, qui vient de Dieu, et que le meurtre atteint. Si l'on peut mettre à mort un malfaiteur, ce n'est, comme nous l'avons dit, qu'eu égard au bien commun, auquel il nuit par ses crimes. Or la vie des justes conserve, au contraire, et accroît le bien général, ils sont la partie la plus importante de la société. Aucune raison ne peut donc autoriser à tuer un innocent. Note. Abraham, dit-on, est loué d'avoir voulu tuer son fils innocent. Abraham agissait par l'ordre de Dieu, maître souverain de la vie et de la mort. Fin de la note. 7. Est-il permis de tuer quelqu'un en se défendant? Rien n'étant plus naturel que de défendre sa propre vie, on peut, d'après toutes les lois divines et humaines, repousser la force par la force, en mesurant la défense et l'attaque. Il n'est pas de nécessité de salut que, de peur de tuer un agresseur, nous négligions de défendre notre vie, nous sommes tenus de la conserver plutôt que celle du prochain. User d'une violence sans proportion avec la fin qu'on se propose, ce serait sans doute un acte illicite, mais repousser l'attaque avec une juste modération, c'est une défense très légitime. Toutefois, comme il n'est permis de tuer un homme que par autorité publique et pour le bien général, on doit se proposer la conservation de sa propre vie et non le meurtre de l'agresseur, à moins que l'on ne soit investi soi-même d'une autorité qui émane de la société. Qu'en tuant un homme pour sa propre défense, on ne contribue au bien général. Comme le soldat qui combat contre les ennemis de la patrie ou l'agent judiciaire qui lutte contre des voleurs. 8. Celui qui tue un homme par accident est-il coupable d'homicide? L'accident, qui arrive en dehors de notre intention, n'est ni voulu, ni consenti. Tout péché étant volontaire, les accidents, comme tels, ne sont point imputables. Cependant, un accident peut être volontaire indirectement. Ne pas prévenir les causes d'un meurtre quand on y est tenu par devoir, c'est rendre, à certains égards, ce meurtre volontaire. En droit, un homme n'échappe pas aux reproches d'homicide lorsque, se livrant à des actes illicites ou même à des occupations permises, sans prendre les précautions convenables, il donne la mort à quelqu'un. Il en est autrement de celui qui fait une action licite avec les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. Note. Frapper, par exemple, une femme enceinte, est une action illicite qui fait accuser un homme d'homicide, lorsque la mort de la femme ou de l'enfant en résulte. S'il est dit, dans la Genèse, que Lamech fut coupable d'homicide pour avoir donné la mort à un homme en voulant tuer un animal, c'est qu'il n'avait pas pris les précautions propres à éviter ce malheur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.